Melmoth ou l'homme errant de Robert Charles Mathurin, pour Audiocité, chapitre 28. La journée suivante se passa tout entière de la part de Donia Clara, pour qui l'écriture était une tâche rare, pénible et insupportable. Se passa, dis-je, à relire et à corriger la réponse qu'elle avait faite à l'épître de son époux. Après l'avoir bien examinée, elle y trouva tant à changer, à interligner, à modifier et à raturer, que finalement cette réponse ressembla beaucoup à la tapisserie à laquelle elle travaillait, et qui avait, jadis, été commencée par sa grand-mère. Dans cette lettre, Donia Clara rendait compte à son époux de tout ce qui avait rapport à leur fille. Et après avoir donné des éloges à son esprit, à ses talents et à ses agréments personnels, elle exprimait de vives craintes sur sa raison. La pauvre femme regardait comme une preuve d'aliénation mentale l'étonnement que les usages et les mœurs européennes causaient à sa fille. Après avoir cité plusieurs traits à l'appui de son opinion, elle termina sa lettre par les phrases d'usage, la plia, la cacheta, et l'expédia par la ville que Don Francisco lui avait indiquée. Les habitudes et les mouvements de Don Francisco étaient, comme ceux de la plupart de ses compatriotes, si lents et si compassés. Sa répugnance à écrire toute autre lettre que celle qui avait rapport au commerce était si bien connue que Donia Clara fut sérieusement alarmée en recevant le soir même, du jour où elle avait expédié son épître, une seconde lettre de son époux. On jugera sans peine combien son contenu devait être singulier, quand on saura qu'après en avoir pris connaissance, Donia Clara et le père José passèrent la nuit presque entière en consultation, pleins d'inquiétude et d'effroi. Ils relurent plusieurs fois cette lettre extraordinaire, et à chaque lecture, leurs pensées devenaient plus sombres, leurs conseils plus embarrassés, leurs regards plus tristes. Ils ne cessaient d'y jeter les yeux. Puis, se levant tout à coup en sursaut, ils se demandaient, tantôt par des paroles, tantôt par un langage muet, s'ils n'avaient pas entendu d'étranges bruits dans la maison. La lettre tout entière aurait peu d'intérêt pour le lecteur. Il suffira d'en extraire le passage suivant. Dans mon voyage du lieu où j'ai débarqué jusqu'à celui d'où je vous écris, je me trouvai un jour par hasard dans la société d'étrangers, de qui j'entendis des choses qui m'intéressaient directement, et cela sous le point le plus délicat qui puisse blesser le cœur d'un père chrétien. Ces choses que les étrangers disaient entre eux, sans savoir toute l'importance qu'elles pouvaient avoir pour moi, formeront le sujet d'une de nos premières conversations à mon retour. Elles sont d'une nature si effrayante que nous aurons peut-être besoin des conseils d'un savant ecclésiastique pour bien les comprendre et les sentir. Quoi qu'il en soit, après avoir entendu cette étrange conversation dont je n'ose vous communiquer les détails par écrit, je me retirerai dans ma chambre, rempli des plus tristes pensées, et, m'étant assis dans mon fauteuil, je pris un livre, afin de chasser, s'il était possible, ces pensées avant de me coucher. Mais je n'y réussis point. Je ne tardai pas à sentir que je n'étais nullement disposé à la lecture, et quoique oppressé par le sommeil, j'avais moins de désir encore de me mettre au lit. J'ouvris donc le pupitre où j'avais serré vos lettres. J'y pris celle que vous m'écrivîtes, pour m'annoncer l'arrivée de notre fille, et dans laquelle vous me faisiez la description de sa personne. J'avais déjà si souvent lu et relu cette description, que vous pouvez m'en croire, le peintre le plus habile ne réussirait pas mieux à la peindre que je ne le fais en imagination. Je la relus, cependant, pour la centième fois, et je songeais que je ne tarderais pas à serrer cette chère enfant dans mes bras. Dans cette douce occupation, mes yeux se fermèrent, et je m'endormis sur mon siège. Dans mon sommeil, je crus voir une créature angélique, telle que je me figure ma fille, assise à mes côtés et me demandant ma bénédiction. Comme je me baissais pour la lui donner, ma tête se pencha et je me réveillai. Je me réveillai, dis-je, car ce que je vis ensuite était aussi palpable que les meubles de ma chambre ou tout autre objet. En face de moi était assise une femme, vêtue à l'espagnole et couverte d'un voile qui lui descendait jusqu'aux pieds. Elle paraissait attendre que je lui adressasse le premier la parole. « Venez donc, lui dis-je. Que cherchez-vous et pourquoi êtes-vous ici ?» L'inconnu ne souleva point son voile et ne fit aucun mouvement, ni de la main, ni des lèvres. Ma tête était remplie de ce que j'avais entendu, et après avoir fait le signe de la croix et prononcé quelques prières, je m'approchai d'elle et j'ajoutai « Jeune dame, que désirez-vous ? » « Un père, » répondit-elle en levant son voile et en montrant à mes yeux étonnés les traits de ma fille Isidora, absolument tels que vous les avez décrits dans vos dernières lettres. Vous pouvez sans peine vous faire une idée de ma consternation, j'oserais presque dire de ma frayeur, à la vue et au discours de cette belle, mais étrange et terrible apparition. Mon embarras et mon trouble augmentèrent au lieu de diminuer. Quand cette apparition, se levant et montrant du doigt la porte, s'y dirigea avec promptitude et avec une certaine grâce mystérieuse. Elle prononça en sortant de la chambre à peu près les mots suivants. « Sauvez-moi, sauvez-moi, ne perdez pas un moment où je suis perdu. Tant que cette figure avait été dans l'appartement, je n'avais entendu ni le frôlement de sa robe, ni le bruit de ses pas. Seulement, quand elle sortit, je distinguai comme un souffle de vent qui traversait la chambre. Une espèce de brouillard obscurcissait tous les objets. Il se dissipa peu à peu, et je poussai un profond soupir, comme si un poids énorme fût ôté de dessus mon sein. Je restai pendant plus d'une heure, réfléchissant à ce que je venais de voir et ne sachant si c'était une réalité ou une illusion. Je suis un homme mortel, et par conséquent sensible à la crainte et sujet à l'erreur. Mais je suis aussi un chrétien, et comme tel, je méprise tous les contes de spectres et d'apparitions dont on nous berce. Mes réflexions n'amenant aucune conclusion raisonnable, je me jetais sur mon lit, où je restais longtemps sans pouvoir reposer. Et ce ne fut que vers le matin que je m'endormis à la fin d'un profond sommeil. Tout à coup, je fus réveillé par un bruit semblable à celui du vent qui agitait mes rideaux. Je me mis sur mon séant, et les ayant ouverts, je regardai autour de moi. Le jour commençait à paraître. Mais il n'aurait pas suffi pour me faire distinguer les objets, sans la lampe qui brûlait dans la chambre, et dont la chaumière, quoique faible, était cependant fort nette. À cette lumière, je découvris près de la porte une figure dans laquelle mon œil, rendu plus perçant par mon effroi, reconnut la même femme qui s'était offerte à moi, et qui, secouant le bras avec un geste mélancolique, prononça ces mots du ton le plus triste. « Il est trop tard !» et disparut sur le champ. Accablé d'horreur à cette seconde vision, je retombai sur mon oreiller presque sans connaissance, et dans l'instant j'entendis l'horloge sonner 4 heures. Comme Donia Clara et l'ecclésiastique achevaient pour la 10e fois la lecture de cette lettre, l'horloge du château sonna effectivement 4 heures. « Voilà une singulière coïncidence, » dit le père José. « N'y trouvez-vous que cela, mon père ?» dit Doña Clara en pâlissant. « Je ne sais, » reprit l'ecclésiastique, « j'ai souvent entendu parler d'avertissements que nos anges gardiens nous donnaient, même par le ministère des objets inanimés. Mais à quoi sert de nous avertir quand nous ne savons pas quel est le danger que nous devons éviter ?»« Chut, écoutez, » dit Doña Clara, « n'avez-vous pas entendu du bruit ?» « Non, » répondit le père José en écoutant, mais avec émotion. « Non, » ajouta-t-il après un silence et d'une voix plus tranquille et plus assurée, « Le bruit que j'ai effectivement entendu il y a près de 2 heures a duré peu de temps et ne s'est pas renouvelé. Que la lumière de ces bougies est incertaine, dit Doña Clara en les regardant avec frayeur. Les volets sont ouverts, observa l'ecclésiastique. Ils l'ont toujours été, reprit Doña Clara. Mais juste ciel, voyez ce vent qui tout à coup fait vaciller les lumières, on dirait qu'elles vont s'éteindre. Le père regarda les bougies et vit qu'en effet, Doña Clara avait dit la vérité. Il remarqua en même temps que la tapisserie près de la porte était fort agitée. « Il y a une porte ouverte, quelque part, » dit-il en se levant. « Vous n'allez sans doute pas me quitter, mon père, » dit Doña Clara, que la terreur avait cloué sur son fauteuil et qui osait à peine le suivre des yeux. Le père José ne répondit rien. Il était déjà dans le vestibule où une circonstance qu'il venait d'observer avait attiré toute son attention. La porte de la chambre de Doña Isidora était ouverte, et des bougies y brûlaient. Il y entra doucement et jeta un regard autour de la pièce. Il n'y avait personne. Il examina le lit. Tout indiquait qu'il n'avait point servi cette nuit. La fenêtre attira ensuite son attention. Elle donnait sur le jardin et était ouverte. Frappé d'horreur à ce qu'il venait de voir, le bon père ne put s'empêcher de pousser un cri qui parvint jusqu'aux oreilles de Doña Clara. Tremblante, elle voulut le suivre à l'appartement de sa fille. Mais elle n'en eut pas la force et tomba sans mouvement dans le vestibule. L'ecclésiastique la souleva et la ramena dans sa chambre. Replacée dans son fauteuil, la malheureuse mère ne versa point de larmes. Elle conservait toute sa connaissance, mais ne pouvant parler, elle indiquait de la main, par un mouvement convulsif, la chambre de sa fille, comme si elle avait désiré qu'on l'y transportât. « Il est trop tard, » dit le père en se servant sans y penser, des mots de la lettre de Don Francisco.